Fourniguette qu'on avait eu cette année à Jérusalem. La Fourniguette est un grand contre l'Ugel. L'Ugel coupe la gambette à la porte de Fourniguette qu'on avait eu cette année à Jérusalem. L'Ugel dit, vous êtes allé bien plus fort que mes fous. Oh, sur d'elle que si vous fort de fondre gel, gel coupe la gambette à la porte de Fourniguette qu'on avait eu cette année à Jérusalem. Vous êtes allé bien plus fort, vous êtes plus fort que mes bides. Que mes bides. Et... Ah, je me trompe de nouveau. Le soudel est plus non, le soudel diguette la nib est plus forte que mes tapes hein. On se dit que on y va que ce soir de tapas soudel soudel fungeait je copa la campette à la part de fourniguette canababé de cette tête à Jérusalem. La nib diguette le ben est plus fort que mes buts. On se dit au ben que ce soir de but à nib nib tapas soudel soudel fungeait je copa la campette à la part de fourniguette canababé de cette tête à Jérusalem. La nib diguette l'humidaille est plus forte que mes bides. L'humidaille qui sort forte des bides, ben butani, bouni buta pas soudel, sous le fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canapabé de satan tête à Jérusalem. La mudaille dit guette, l'orat est plus fort que mes trocs. Orat qui sort forte des trocs à mudaille, mudaille est bida ben butani, bouni buta pas soudel, sous le fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canapabé de satan tête à Jérusalem. L'orat dit guette, l'orat est plus fort que mes manges, orat qui sort forte des manges. Des mangerats, rater comme mudaille, vida ben, ben butani, boni, buta pas soudel, soudel fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canaille bébé de satan tête à Jérusalem. Lucat diguette, le bastou est plus fort que mes pica, au bastou qui se sfort de pica quatre mangerats, rater comme mudaille, vida ben butani, boni, buta pas soudel, soudel fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canaille bébé de satan tête à Jérusalem. Le bascou diguette, le fior qui est plus fort que me brûle. Au fior que ce fior de brûle là, bastou pica quatre mangerat, rater comme mudaille vida ben butani, boni buta pas soudel, soudel fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canapabé de satan tête à Jérusalem. Le fior diguette, la gaille est plus forte que ma mousse. Au haïga, que ce fort de mousse à fior, fior brûle à bastou pica quatre mangerat, rater comme mudaille vida ben butani, boni buta pas soudel, soudel fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, qu'on avait vu de cette tête à Jérusalem. Le fioc dit, la gueule est plus forte que ma mousse. Oh, la gueule est forte de mousse à fioc, fourrure à bastou, pica quatre mangerats, rater comme mudaille vida ben butani, boni buta pas soudel, soudel fungel, je coco pas la cambette à la part de fourniguette, qu'on avait vu de cette tête à Jérusalem. La gueule dit, le bio est plus fort que mes bio. Au bio qui se fait de bio de aiga, aiga moussa fioc, fourrure à bastou, pica quatre mangerats, rater comme mudaille vida ben butani, boni buta pas soudel, soudel fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canapabé de cette tête à Jérusalem. Bio diguet, le boucher est plus fort que me tua, au boucher qui se fait de tua, bio buaga, aiga moussa fioc, fourrure à bastou, pica quatre mangerats, rater comme mudaille vida ben butani, boni buta pas soudel, soudel fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canapabé de cette tête à Jérusalem. Le boucher diguet, la mort est plus forte que me prenne. Oh, mort qui se forte de prendre boucher. Boucher, tu as bio, buaga, aga moussa fioc, fourrure à bastou pica quatre mangerats, rater comme mudaille vida ben butani, boni buta pas soudel, soudel fungel, je copa la cambette à la part de fourniguette, canapabé de cette tête à Jérusalem. Thank you.